Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Jasmine Raymond-Dreville tourne sa langue une dernière fois dans sa chronique linguistique. Et on reçoit Anne-Julie Durocher pour me parler de la jeu. On s'informe aussi avec C'est un fait. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 14 mars 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. On t'en dit en direct. Salut. Des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Ça, c'est ici même, dans ce bâtiment-là. Là. Où est-ce qu'on l'est? Baptiste, ce qu'on appelle. Et Baptiste. Hein? Et Baptiste, c'est un sac, ça? Oh, ouais. Si on veut. Il y en a qui disent ça. Faut juger les gens par rapport à leur juron, là. Ben non, toi, on fait jamais ça. Tabarouette. Non, je le dis plus. C'est vrai, t'as arrêté. Depuis qu'on a ri de toi en onde parce que tu dis tout le temps le mot tabarouette, disais tout le temps. Non, je le disais, ouais, c'est ça, exact. Mais non, c'est fini. Écoute, je l'ai rayé de mon vocabulaire. OK. Est-ce que t'en as trouvé un autre? Non, pas tant, en plus. Et Jello, non? Non. Et Burslack. Ouais, ou Batarnac. Batarnac, wow, hein? C'est quand même violent. Oh, ouais. Et pas très subtil comme déformation, mais bon. Non. Mais je le dis plus, c'est ça, dans ma vie personnelle. OK. Batarnac! Non? Batarnac, Mathieu, qu'est-ce que tu fais? Donc aujourd'hui, à Assemblage requis, on va avoir la chronique de Jasmine Raymond-Drainville. Elle nous parle de langue française principalement, dans sa chronique linguistique vers les 7h30. Oui, et puis Anne-Julie Durocher, vers les 8h, va nous parler de l'AGE UQTR. L'AGE d'ailleurs qui ça va être une des plus grosses journées de l'année, je crois. Grosse en Batarnac. Bon, c'est pas vulgaire. Tu me ferais. Mais oui, c'est ça. Écoute, c'est l'Assemblée générale spéciale qui va se tenir ce soir à 18h30 au CAPS pour le vote de grève pour ou contre. Là, en fait, le débat éternel. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense que ça peut-être être long aussi comme Assemblée générale spéciale. On va le voir. Écoute, on va lui en glisser un mot. Ou plusieurs. Et puis d'ailleurs, demain, on va recevoir le président de la GEUQTR vers les 8h30. Va nous parler de ce qui s'est passé, en fait. Là. On va vous tenir au courant. Hugo Maillot-Couture à l'émission de demain, HMC. HMC. Ça sonne mieux. Voilà. Donc, on en parlera tout à l'heure, oui, et on a eu quelques développements par rapport à quel groupe d'étudiants se sont mis de quel bord. Là, j'ai entendu parler que l'ITR. On a voté une journée de grève le 22. Voilà. En fait, je pense que moi, personnellement, je pense que le 22, ça va passer ici à l'Assemblée générale spéciale. Je pense pas qu'on parle de grève générale illimitée, non. Par exemple. Je sais pas. Mais tout peut se passer en Assemblée générale spéciale. Exact. Avec les gens qui se lèvent et qui prennent la parole, ça pourrait changer bien des choses. C'est donc later dans l'émission d'aujourd'hui qu'on en parlera. Ouais. Sinon, on a aussi la chronique C'est un fait pour s'enseigner des choses. Oui. Donc c'est tout de suite que ça commence en musique avec Fanny Bloom. Et on change d'extrait pour varier un petit peu. Vous connaissez Parfait qui est sur le palmarès. On la connaît tous, on l'aime bien cette pièce-là. Mais pour se varier l'écoute, voici ce que je voudrais pour 89.1 FM. Ce que je voudrais, moi, commencer l'émission en bonne musique. Têteux. Et badin. Ah oh, ben. Ce que je n'existe pas. Ce que je voudrais n'existe pas. Laisse-moi rêver. One more time. Yeah. I'll maybe get more volume. il m'a fait peur. C'est la fin de la chanson. Ça finit comme ça. Ça finit comme... Les petits bruits qu'on n'entend pas à la radio. Ah, là, on si les montre au max, ouais, on les entend. Si ça repart, je vais leur baisser au cas où. Hein, parce que... Boum. Mon cerveau va exploser. Il n'est pas dû pour ça. Il n'est pas dû pour ça. Pas encore. Donc, vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées au 89 FM, 7h18 avec FO et Mathieu. On attend Jasmine Raymond-Drainville tout à l'heure avec sa chronique linguistique. Sa dernière chronique. Ben, en tout cas, pour l'instant. Hein. Ouais. Fille bien occupée. On n'a pas le droit de vous dire pourquoi elle est occupée pour l'instant. Ben, mais... ça... Non. Ah. Peut-être qu'on a le droit de le dire, mais... Ben, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit? Ben, mais ça... Quoi, ça, déjà? Je veux pas le dire, moi-même. Bon. Ben, écoute, je le dirai pas non plus, si tu veux pas le dire. Parfait. On y en parlera une autre fois. Donc, pour l'instant, on va continuer en musique, étant donné qu'on a le temps d'en jouer. Voici Funambule et l'antre des indécis. Sur C'est fou, dans vos oreilles. Ouais, ce CD a tombé du rack tantôt, ça fait comme, wow, hasard, faut qu'on joue ça. Tu sais, non? C'est bon, mais c'est un hasard. Tant mieux. Des fois, je suis indécis. La vie est belle. T'es indécis. Ah oh ben. Ah oh ben. Ciel sous nos pieds, tard au-dessus de nos têtes. Moi qui patauge dans la marge, je pourrais bien, peut-être. Le flou d'indécision et la marche qui défie mes frayeurs. Quand mes pensées lunatiques me laissent rêver. M'emprisonne, les choses tardent à changer, et l'illusion me dérange. Parmi des milliers de souvenirs, certains surplombent les autres et déplombent mon sourire, à savoir à qui la faute. Topanga avec la pièce Back Against the Wall. Hein, j'adore ça. Moi, j'en reviens jamais. C'est les deux meilleures pièces de l'album parce que le reste est relativement. J'ai bien aimé Lionheart l'autre jour, non? Oui. T'es quand même bonne. Oui, oui. Pas du tout, hein? Non, je me rappelle, c'est la deuxième ou la troisième. Mais il y en a six en tout succédé. Ouais. Oui, c'est la troisième. Mais c'est ça, non, mais moi, j'aime mieux Back Against the Wall et puis l'autre pièce, Fogo Island. Fogo Island qui est sur le palmarès anglophone. Palmarès c'est qui est diffusé bon. Tous les jeudis entre 14h et 17h. Avec Mathieu Plante. Et surtout d'autres gens à déterminer toutes les semaines de ces temps-ci parce qu'on sait jamais vraiment. Mais on sait que Mathieu Plante est là. Oui, c'est la seule constante. Soyez-en rassurés. Constance. C'est une constante, non? C'est un beau nom, ça. Les enfants. Oui, Constance. Oui, Clémence Desrochers aussi, c'est un beau nom. C'est le nom. Ben, je trouve pas, mais moi non plus. Bon, okay. On s'entend bien là-dessus. J'essaie de trouver un autre nom. Bon. Donc, assemblage requis à 7h26. On écoute Battle of Skulls avec The Devil Takes Care of His Own. Non, oui, c'est ça, c'est bien ça. Ouais. C'est ça. Et puis, après ça, on revient avec Jasmine Raymond-Drainville. Puis un petit tirage. Oh, ouais? Ouais. Mais non. T'as dit. On fait ça, nous autres. Nous autres. Hey, yo. But the strength of 10,000 will never weaken me. Which is like a razor blade, you cut me half and half. Oh, I better wait to kill the time. Did I do it in the deep end? And if you're idle and you're well-fed, now I don't want to know an answer. But if you're dancing, you're a dancer. Takes care of his own. Do you dare to speak his name? There's evil at the root. Cruel or kind, it's on your mind. Go on and give the dice a roll. Never did believe in saying fortunes are foretold. Easy come and easy they will go. Didn't you read it in the detail? That if you're idle and you're well-fed, now you wanna know an answer. But if you're dancing, you're a dancer. Didn't you read it? Devil takes care of his own. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. L'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Galaxy, la pièce Entre la lumière et le bruit. Nouvel extrait du palmarès francophone depuis la semaine passée. C'est sur leur album Tigre et Diesel. On ne compte plus les extraits qui sortent de cet album-là, tellement c'est bon, Galaxy, hein, François? Oui, on aime ça. Ouais. Alors, vous êtes toujours à Assemblage Requis. Et puis maintenant, avec François Vimarchand et Mathieu Plante, on va tourner notre langue, mais on va peut-être modifier un petit peu ce qu'on a dit précédemment dans l'émission. Hein. Peut-être pas pour la dernière fois. Allô? Peut-être, je sais pas. En tout cas, on verra. On sait pas encore. On sait pas encore. C'est la chronique linguistique de Jasmine Raymond-Drainville. Jasmine Raymond Drainville, bon matin. Bon matin. Bon matin, bon matin. T'as l'air d'avoir les poils d'en face. Les poils d'en face? Mais oui. J'ai coupé la barbe. Non, j'ai comme des petits cheveux qui sont un peu désagréables. Les cheveux rebelles qu'on appelle. Oh oui. Et voilà. Donc, on disait, c'est ça, que tu tournais ta langue dans ta bouche pour peut-être la dernière fois. On sait pas encore, là, c'est à déterminer. Il y a plein de choses à déterminer en ce moment, je vous dirais. Ta vie est complexe. Non, pas tant que ça. Non? Mais je sais pas encore si je vais être en mesure de revenir. Avant, c'était sûr que non, là, je sais pas encore. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Non, ça va pas en stage? Non. Non? Mais non, mais je parlerai pas de mon parcours scolaire en ce moment, là, c'est certain. Mais non, il y a des trucs qui changent, hein? OK. Fait que... je ne serai pas en stage finalement. OK. Mais tout ce que ça veut dire, c'est pour nous, mettons, dans les choses que tu peux dire et que tu peux avouer, c'est qu'il y a un potentiel, il y a un espoir et la porte est ouverte. Ben oui, je vous dis pas peut-être à chaque semaine, mais je m'arrangerai avec vous, là, puis je viendrai faire un petit tour une fois de temps en temps pour corriger comment vous parlez. Ouais. OK, merci. On l'apprécie énormément. Donc aujourd'hui, tu nous parles de perroquet, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est quoi le bruit d'un perroquet? C'est une poule. Un perroquet, ça répète? Ça répète, donc... Sinon, ça jacasse. Parce que c'est des paronymes, qu'on m'a dit. Oui, c'est ça, je parle de paronymes ce matin. Donc, c'est quand tu répètes deux, trois fois le même mot, c'est ça, non? Si tu veux. Mais c'est pas la définition. OK, OK! C'est pas la définition que j'ai. OK. Un biscuit. Un perroquet, ça demande tout un biscuit. Un coquille? Un biscuit? Non, des biscuits? Non. Biscuit soda? C'est pas. J'ai jamais eu de perroquet, mais c'est ce que j'ai vu dans les films, je pense. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de perroquets dans les films. Tout le temps. Donc, c'est pas ça un paronyme? Non, un paronyme, dans le fond, c'est. Des paronymes, c'est des mots qui se ressemblent beaucoup, mais qui n'ont évidemment pas le même sens. OK, qui sonnent pareil, peut-être, ou proche de. Mais souvent, mettons, on va peut-être se mêler au niveau. Mais tu sais, la prononciation se ressemble beaucoup. Donc, voilà, ou tu sais, des fois, ça peut être des noms qui sont de la même famille, tu sais, qui se ressemblent. Je te dis, mettons, je sais pas. Je vais vous en donner plein, des exemples tantôt, là, c'est ça. Donc, voilà. D'accord. Je vais vous poser des petites questions, ça va être interactif. Comme un quiz. Ben, c'est comme tout le temps. Mais là, on n'a juste pas de buzzer désagréable. OK, il faut imiter un perroquet. Est-ce que ça vous convient? Pas non, pas certain. Non, tu peux si tu veux, ça peut être ton propre buzzer, là, okay. Mais t'es pas obligé non plus. D'accord. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire la différence entre un accident et un incident? Des fois, on va... Hein? Un incident, c'est juste quelque chose qui s'est passé, alors qu'un accident, c'était quelque chose de... Non, un incident, ça n'a pas trop de dommages, et un accident, ça a beaucoup de dommages. Ah, ça te sent? Mais c'est quand même, c'est oui. Hein? Hein? Bravo. Hein? Je dirais que par définition, un accident, c'est un événement imprévu qui entraîne des dommages. OK. Un accident d'auto, un accident de trottinette, là, quelque chose comme ça. Tu brises ta trottinette, c'est plate. Puis, un incident, c'est un événement accessoire, là, c'est moins important, c'est ça. Parfait. Voilà. Ensuite, adhérence et adhésion. Adhérence, c'est quelque chose de collant. Adhésion, c'est s'inscrire à quelque chose. Mais c'est ça, tout à fait. Oh, hey! Dans le fond, l'adhérence, c'est l'état d'une chose qui est très fortement jointe à une autre. Ouais. L'adhérence, c'est de s'inscrire à quelque chose, de faire partie de quelque chose. D'accord. Comme du papier adhésif, là, c'est une adhésion. Hein? Non, c'est le contraire important. Pourtant, tu vois, ça, c'est de l'adhérence. C'est du ruban. Ruban adhésif, mais tu comprends ce que je veux dire? Mais tu sais. Le papier des post-it, c'est ça que tu voulais dire? C'est ça. Bon, il y a plein de choses qui sont adhésives dans la vie. Donc, voilà. Ouais. Prochain, affectif et affectueux. Affectif, moi, je me mélange avec effectif, là. Ça veut pas dire la même chose non plus. Non. Affectueux, là, c'est sûr qu'il y a de l'amour là-dedans, genre. Ouais, affectueux, c'est ça, c'est une marque de tendresse, à la limite. Et affectif, c'est... Il est vraiment fort un matin, quand pas même. Pire, hein? Ouais. Pas pire. Affectueux, c'est dit de ce qui témoigne des sentiments tendres. Ouais. Tendre. François est un grand tendre. Je sais pas, ça fait combien de chocolat chaud que tu bois, mais tabarouette. Hein? Puis dans le fond, affectif, ça va être quelque chose qui est relatif au sentiment. Relatif au sentiment, OK, mais qui n'est pas nécessairement tendre. Ben, Ben, en fait, ben, je sais pas, mettons que tu dis le développement affectif de quelqu'un, ben, tu sais, on comprend quand même la différence. Moi, je comprends. Bon, voilà. Mais il n'y a pas la différence avec effectif là-dedans. Non, mais je pourrais vous revenir là-dessus. Ouais. Ensuite, affilé et effilé. Effilé, je sais pas, hein. Quelque chose d'effilé, moi je dirais, mettons, non, c'est affilé. C'est pas, non, je me mets en fait. Essaye, go! Ben, je dirais, affilé, c'est le verbe, en fait, non. Ben, en fait, là, j'y prends plus comme adjectif, le A-F-F-I-L-E, accent aigu, puis E-F-F-I. Okay. OK, ben, quelque chose d'affilé, c'est quelque chose de tranchant. C'est ça. Puis, effilé, c'est l'action de le faire, non? Non, tu prends encore comme adjectif. Comme effiloché, mettons, un peu comme genre effilé. Effilé, ça va être, dans le fond, quelque chose qui est allongé. Qui est aminci. Ah, OK. Est-ce qu'on vous avez déjà entendu ça? Oui, oui. Hein? Parfait. Ah, ça, c'est mon. Ça va avoir l'air louche parce que je dis que c'est mon préféré, mais c'est qu'hier après-midi, j'en parlais avec des gens. On se demandait. En fait, on faisait pas la différence entre alcoolique et alcoolisé. Puis finalement, en travaillant là-dessus. Une personne alcoolique, j'imagine, non? Quelqu'un qui est accro à quelque chose, à l'alcool, alors que l'autre, c'est juste quelque chose qui a de l'alcool dedans. Ouais, c'est ça. Mais presque. OK. Mais. Alcoolique, oui, ça peut être une personne qui boit trop d'alcool, mais c'est aussi quelque chose qui contient naturellement de l'alcool. Ah! Donc, okay. C'est ça. Puis, alcoolisé, c'est quelque chose à quoi on va ajouter de l'alcool, qui en a pas comme... Nécessairement... Si on veut qu'il en contienne, il faut qu'on y en ajoute. Donc, voilà la différence entre les deux. OK. Une erreur que les gens font vraiment souvent, puis que même moi, souvent, j'ai beaucoup de difficultés. Même moi. Non, mais dans le sens où même si je vous lis ça, tu sais... En tant qu'ancienne future professeure... Non, mais dans le langage courant, souvent, on va comme vraiment confondre les deux puis les utiliser les deux dans tous les contextes. Amener et emmener. Difficile, celle-là. Même si tu me l'expliques, là, je vais avoir de la misère à déterminer lequel va avec quelle définition. Ben, amener, t'amènes quelque chose. Hein. En fait, c'est le transporter, mettons. Puis la différence avec emmener. Puis emmener, c'est... Ouais, non. Là, celui-là, tu l'emmènes vers ailleurs, je sais pas, c'est difficile. Non, c'est ça, c'est traîner plus, non? Ben, en fait, amener, c'est mener quelqu'un ou quelque chose. Quelque chose, oui, je rajoute des R partout. Amener c'est quelqu'un beau. Ou quelque chose à un endroit ou auprès d'une personne. Ça, c'est. Amener. Amener, A-M-N-A. Amener, c'est okay. Ça. Puis emmener, c'est faire quitter un lieu à quelqu'un en l'entraînant avec soi-même. Tu peux pas emmener un objet, dans le fond. Ok. Tu peux emmener quelqu'un avec toi. La personne est avec toi, puis okay. Il vient tant, je t'emmène. Je t'emmène, je sais pas, là, ouais. Au restaurant. Je t'emmène à l'AG de grève ce soir à 18h30 au CAPS. Wow, subtil quand même comme message. Voilà, et ouais. En allant à l'AG, je vais amener ma carte étudiante. Oh, wow! Pour pouvoir ça va la prendre. Très bien. C'est ça. Très bien dit. Est-ce qu'on bon comprend exemple. La différence entre les deux? Retenez oui. La phrase, puis vous allez être fantastique. Parfait. Super. Ensuite, juste au niveau de comment on écrit deux mots, encre et encre. A-N-C-R-E et E-N-C-R-E. L'encre de bateau ou l'encre qu'on écrit. Lequel ouais. Qui s'écrit comment? E-N-C-R-E, c'est l'encre d'un crayon. D'un crayon ouais. Voilà. J'aime ça parce que tu veux juste... François fait juste répéter ce que Mathieu dit pour avoir l'air. Mais non, c'est quand même facile. Non, c'est parce que j'ai mais il y en a quand même qui vont faire la différence, comme qui feront pas la différence, ou entre amande A-N-D-E ou amande E-N-D-E. Ah, François, je te laisse répondre. Ben, E-N-D-E, c'est évidemment la noix. Oui, c'est ça. J'ai très bien compris. Non, c'est l'amande qui est comme un coup dans les noix. C'est celle que tu reçois quand tu te stationnes à mauvaise place. Ça, c'est l'amande E-N-D-E. C'est ça. Et l'amande A-N-D-E, c'est celle que tu manges. Voilà. Tu manges des noix? André. Hein? Bon. Tout le monde mange des noix? Oui, c'est vrai. Tout le monde. Tout le monde, même moi, j'en reste pas mal. Bon, aplanir et aplatir. Ouh, aplanir, c'est enlever une couche et aplatir, c'est vraiment... Pas nécessairement enlever une couche, là, mais non. C'est de rendre quelque chose tu uniforme quelque chose. Ah. En enlevant les inégalités, dans le fond. C'est bien. Puis aplatir, c'est que rendre quelque chose plat. Ouais. Bon, ça aussi, je l'aime, le prochain. Bailler, B-A-I-L-L-E-R et bailler, B-A-Y-E-R. Hein? Il y a une différence de sens. Est-ce que j'ai déjà vu B-A-Y-E-R ouais, à part les aspirines, là, Bayer Aspirine, c'est la compagnie qui... Mais non. Non plus, je pense que je n'ai pas vu ça souvent. Non, jamais vu. Lequel des deux représente la grande inspiration là, qu'on prend? B-A-Y-E-R. Oui, voilà. OK. Phew! Hein, ça, l'autre, c'est quoi? L'autre, c'est regarder en l'air d'un air perdu, absent et niais. Ah, oh, ouais. Et puis, quand on dit bailler aux corneilles, En fait, on fait une faute en disant... C'est grec? Ouais, c'est B-A-Y-E-R, dans le fond. Ça a du sens, j'en avais, hein? J'en avais parlé aussi dans ma chronique sur l'origine de certaines expressions. Oui. Donc, c'est ça. Tu sais, comme si tu regardais les corneilles qui passent, puis que... Mais ça a du sens, parce que les corneilles, ça barre-tu vraiment, tu sais, on sait pas. Pourquoi tu beurrais à ta corneille, tu sais, c'est ça. Pourquoi boire à sa propre corneille domestique? Tu sais. Tu sais qu'il est dans une cage. Corneille domestique. Tu sais qu'il est dans une cage, puis vraiment agréable. Biscuit. C'est ça. Donc, ensuite, carnassier et carnivore. Carnassier? Moi, ça me dirait. Carnassier, non, j'ai pas entendu ça souvent. Non, c'est pas mal. Presque jamais, mais carnivore, c'est quelque chose. Ben, quelqu'un, mange de la viande. Ouais, un animal ou un humain qui mange de la viande. C'est ça. Dans le fond, la différence entre les deux, c'est que carnivore, c'est quelqu'un ou quelque chose. En tout cas, c'est dit de quelque chose qui se nourrit de chair. Mm-hmm. Et carnassier, c'est la même chose, mais c'est de la chair crue. Ah! Donc, on pourrait dire cannibale. Ouais, non, cannibale, il. Ça dépend aussi, de la sorte de chair que tu manges. C'est ça. C'est ça te regarde. Puis ceux qui mangent des repas pas chers, on appelle ça des étudiants en dette à cause de la grève. Des droits étudiants, excuse-moi. Pas à cause, ouais. Essayez de faire un lien comme vous autres là, pour être dans la crowd. Dans le clic. Dans le clic. Ça n'a pas marché, apparemment. Non. Flop. Laisse faire. Censé. Je la trouvais pas pire. Hey. On appelle ça un ramen. Ramène-moi ça. Ramène ou ramène? Ramène. R-A-M-E-N, dans ce cas-ci. Bon. Censé, C-E-N-S-E, accent aigu et. S-E-N-S-E, accent aigu. T'as pas épelé deux fois le même mot? Ça, on l'écrit. Non, il y en a un qui commence par un C, l'autre par un S. OK. Ben, censé, C, c'est intellectuellement, et censé, S, c'est plus au niveau du sens. Pas tout. C'est bon, en tout cas. Non, mais censé, quelqu'un de censé avec un C, c'est quelqu'un d'un peu intelligent. Non, ça va être S-E-N, S-E, accent. Ça, c'est ouais, S-E-N. Dans le fond, tu sais, quelque chose, quelqu'un qui a du bon sens, du bon sens, va être censé S-E-N, S-E, accent aigu. Ouais. Puis censé, quand tu dis « je suis censé être là à telle heure », c'est C-E-N, S-E, accent aigu. On pourrait dire « supposé » à la place. OK. Donc, une couple de petits derniers, vous direz quand vous serez tanné. Ah, on n'est jamais tanné de toi, voyons donc. Ah, c'est têteux, hein? Ben, c'est têteux, mais en même temps, on sait que tu t'en vas, fait que c'est pas bien grave. OK, cérébral et cervical. Peut-être. Cérébral et cervical dur. Cervical, c'est plus au niveau des vertèbres, mettons. Ouais, c'est ça, exactement. Puis l'autre, c'est cérébral, le cerveau. Cérébral, c'est le bras, c'est ça. Non? J'allais dire parce que tu complètes pas tes phrases puis tu fais juste comme pointer. Non, mais Mathieu, les gens comprennent pas, moi. T'es sûr. Non, mais j'ai de la misère avec mes mots. Tu sais, vertèbre, c'est pas ça souvent. C'est loin comme dans mon cerveau. Ouais. Ben, en fait, mettons un trois-quarts de réponse. Entre un deux-tiers et un trois-quarts. Bon, on a c'est deux. Bien, on passe. Cérébral pour le cerveau, c'est bon. Cervical, dans le fond, c'est ce qui a rapport au cou, à la nuque. Ah, d'accord. Bon, quasiment. Avec les gestes de François... Il y a des vertèbres. Bon. Ouais, c'est ça, je pointais mon cou. C'est ça. C'est correct. J'ai mal complété, c'était ma faute. Hein, c'est ça. Bon. Ensuite, mettons, trois derniers. On fait-tu un top 3? C'est pas si compliqué. Un top 3. Chlore et clôturé. Oh, hein? Ben, chlore, comme du chlore, là, CH. Non, excuse, CLO. Ben, les deux ont l'air pareil, chlore. CLOR. Ça aurait été facile, mais donc, ça. On reste dans des mots qui peuvent être mêlants au niveau du sens, là, tu sais, du chlore puis clôturé. C'est pas tout à fait pareil. Non, mais c'est ça, ça aurait été facile, celui-là. Est-ce que je te laisse ou. Ben, clôturé, c'est l'action de clôturer, de poser fermer une clôture, quelque chose, ouais. Peut-être, hein? Ouais, ouais, ben ouais. Puis clore, il y a quelque chose, moi j'imagine qu'il y a quelque chose avec un endroit qu'il faut fermer, qu'il faut clore. Lequel des... Ou lequel... Tu peux clore un endroit, tu clôtures un endroit, mais tu peux clorer une conversation. Ouais, non. Tu peux clore. Tu peux clore. En tout cas, tu comprends. Clorer, mais tu clores. Je réponds plus. Je fais rire. Non, mais c'est ça, tu... clore, c'est terminé. Ouais. C'est terminé, puis clôturer, c'est fermer par une clôture. Tout simplement. OK. Mais tu sais, mettons, quand tu dis que je clôturer, c'est le verbe. Tu sais, tu poses une clôture. Mais les deux, c'est des verbes, là. Poser une clôture puis clore un débat, tu sais, c'est... Ouais, clore un débat, c'est un verbe. C'est pas mal deux verbes. Mm. À moins que tu veuilles dire clorer un débat, là. Non, mais c'est comme je l'avais utilisé correctement 3 secondes auparavant. On se rappelle pas. Ah! Je vais aller chercher l'enregistrement. Bon. Colorer et colorier. Moi, je dirais colorer, en fait, c'est plus au niveau d'une teinture. Ah, c'est bon. C'est plus, je sais pas, là, en fait, là, changer la couleur. Puis mettons colorier, ce serait quoi? Ben, d'ajouter de la couleur, là. Ben, non, mais quand même, oui. Ouais. Ben, je suis sûr qu'il est pas conscient de ce qu'il dit, en fait, parce que c'est vraiment trop bon comme réponse. Ouais. Puis je triche pas, là. Tu sais, je peux pas. Ah, bon, on a confirmation. Bon. Ah, Julie, que, hein, il a l'air en pleine forme. Mais... elle peut parler, hein? Elle peut parler, hein, quand elle veut. Ça étonne pas. Non, d'accord. Ça étonne pas. Bon, donc, colorer, c'est revêtir de couleurs, donner une teinte. Par exemple, le coucher de soleil colore le ciel. Oui. Colorier, c'est, mettons, appliquer de la couleur par-dessus une surface. C'est pas, mettons, c'est appliquer de la couleur par-dessus une surface. OK. Bon, parfait. Ensuite, désintéressement et désintérêt. Hi. Ben, désintéressement, c'est je pense que c'est... désintérêt... Yeah, ouais. Ça enlève ton intérêt, puis l'autre enlève ton intérêt. Je trouve que les deux, ça ressemble pas mal, non? Ouais, écoute. C'est intéressant, c'est basé sur un intérêt. C'est comme tellement. Je pense tout haut, là. C'est ce que on dirait un peu faire, un politicien, mais... tu sais. Tu fais juste répéter ce que je dis pour avoir l'air de comprendre, pour avoir l'air de dire quelque chose. Non, mais je comprends un peu dans quel contexte ils disent, mais on dirait que mettre des mots pour les différencier, j'ai un peu de misère. C'est sûr que dire des mots, des fois, c'est difficile. Ouais. Fait que je vais vous en apprendre. Okay. Bon. Désintéressement, c'est un détachement de tout intérêt personnel. Dit une action complètement désintéressée ou une générosité. Avec générosité, avec désintéressement, c'est que. Tu pourrais pas dire, mettons, le désintéressement de la population, là, ça se dit pas, là, ça serait le désintérêt. Ça dépend de la phrase, là, je veux dire, rajoute d'autres mots, puis je vais peut-être pouvoir te répondre. Ben, il y a. Rajoute juste il y a au début. Là. Il y a un désintéressement de la population. Phrase. Bof. Bof. C'est quoi, il y a un désintérêt de. Mais ça dépend de ta phrase, c'est quoi le contexte? Ben, c'est juste une phrase, mettons. Mais non, je sais que c'est une phrase, mais mettons, c'est quoi la phrase avant et la phrase après? Ah, je sais pas, là. T'es embarqué dans quelque chose, François, là. Ouais, mais clair. Désintérêt, c'est un manque d'intérêt, tout simplement, indifférence. Puis le désintéressement, c'est. C'est plus au niveau individuel. Non? C'est pas ça que tu dis. Au niveau peut-être plus. Pas tant que ça, parce que justement, quand tu fais une action désintéressée, c'est parce que c'est envers quelqu'un, puis c'est. C'est pas pour ton intérêt personnel, c'est ça. Okay. Ben, j'aime ça savoir ça parce que plutôt cette semaine, sur un logiciel quelconque, là, c'était Firefox, il y avait un message à l'ouverture qui disait « désintéressé et fier de l'être ». J'avais tout le temps trouvé, je trouvais ça bizarre, donc « désintéressé et fier de l'être ». Mais ça que ça veut dire, c'est que ça n'a pas d'intérêt personnel, c'est un OSBL, à but non lucratif, etc. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour... Voilà. Hey, j'aime ça comprendre. Ensuite, entrer et rentrer. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va dire souvent. Oui. Ben, rentrer, c'est rentrer quelque chose. Hein. C'est d'insérer. Non, mais attends un peu. C'est insérer quelque chose. Non? Dans un... Dans un... Ou un orifice. Ouais, c'est ça, exactement. Et entrer, ben, c'est l'action de pénétrer dans une pièce. Non, mais... c'est parce que tu dis comme la même chose. Temps pour les deux mots, mais juste... Non, c'est pas pareil. Tu peux pas rentrer... dans une chose par rapport à une personne dans une pièce, mettons. C'est ça? Ouais. Tu peux pas entrer. Je sais pas, mettons. Partie d'une chose. Ouais, c'est ça, c'est plus. Mais mettons que je te demande. Je pense que je vais y aller direct avec la réponse. Au lieu de dire c'est pas ça, dis-moi ce que c'est, là, mais je vais y aller avec une réponse. Entrer, c'est passer du dehors au dedans. Ouais. T'es dehors, tu joues dehors, tu lances des balles de neige sur tes voisins, tu entres chez vous après parce que t'as frette. Donc, tu peux pas rentrer dans une pièce? Hein? Tu peux pas rentrer dans une pièce? Rentrer, c'est revenir dans un lieu qu'on avait quitté. Ah! Mettons, ouais, c'est logique. Justement, je vais rentrer à la maison. Je rentre chez nous. Habituellement, quand je dis je vais rentrer à la maison, c'est parce que je suis déjà allé dans ma maison. Mais je vais rentrer au dépanneur où est-ce que je suis jamais allé, puis que c'est pas un lieu que j'avais quitté, okay. Puis que je passe du dehors au dedans, ben j'entre. OK, mais aussitôt que tu vas à une place pour une deuxième fois, tu peux dire rentrer. D'accord. Ouais. C'est comme on avait eu un débat à quelque part à un moment donné sur est-ce qu'on pouvait dire rouverture, ça, au lieu de réouverture. Mais tu peux dire rouverture, apparemment. Oui, bonne question. Je vais vous venir là-dessus. Moi, je dirais réouverture. Mais... Moi aussi, j'aurais dit réouverture. Moi, je dirais réouverture, mais je ne connais pas tout quand même. Excuse-moi de te mettre dans l'embarras. Mais non, je ne suis pas très embarrassée. Difficilement embarrassable quand même. J'anime les palmarès avec toi. Ouais. Donc, ensuite, un deux derniers. C'était pas trois derniers tantôt. Mais là, mais c'est rare, deux, je compte mal, là, bon. Vous appellerez quelqu'un d'autre pour faire les calculs mathématiques. Vas-y, vas-y. Médical et médicinal. Médicinal, c'est pas naturel, ça? Ouais. Il n'y a pas quoi de naturel là-dedans. Médicinal, il y a des ingrédients, il y a des médicaments dedans, alors que médical, c'est dans le domaine de la santé. Hey, de meilleure réponse! Donc, médical, c'est quelque chose qui est relatif à la médecine. Médicinal, c'est quelque chose qui a des propriétés curatives. Tu vois, c'est bizarre parce que tu dis le mot médical, c'est celui qui a des propriétés médicinales, ce qui m'aurait fait penser que ça aurait été. Non, c'est comme, répète-le donc, voir. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit médical, c'est quelque chose qui est relatif à la médecine. Tu vois, à la médecine. Puis l'autre, le mot, c'est médicinal. Non, à la médecine. Médecine. Ah, médecine et médecine, c'est pas la même chose. Ah, mais médecine, je pense pas que. Sûrement que ça existe dans le dictionnaire en quelque part, mais. Mais non, c'est relatif à la médecine. Ah! Comme. Comme quand. Comme plein de choses, finalement, comme quand tu vas voir un médecin. OK. Et puis médicinal, je le reprononce bien, c'est quelque chose qui a des propriétés curatives. D'accord. Une plante médicinale, par exemple, va pouvoir te guérir de quelque chose. Un dernier, neuf et nouveau. Neuf, pas comme dans le sens du chiffre neuf, là, en français, j'imagine que tu allais poser trop la question. neuf et nouveau. Ben, quelque chose de vieux peut être nouveau, tandis que... Tellement vague, là. Non, mais tu sais, neuf, c'est flambant neuf, là. Ça sort de l'usine. Un objet nouvellement fabriqué. Neuf, qui n'a pas été utilisé, qui n'a pas servi. Puis nouveau, c'est quelque chose qui vient d'apparaître. OK. C'est tout. J'en aurais d'autres, mais un autre fois. Ouais, t'aurais pu en trouver trois autres et encore trois autres. Mais c'était très intéressant. Très bonne chronique aujourd'hui, Jasmine. Bravo. Oui, merci. Merci. Réussi. Ouais. Jasmine Raymond-Réville, chronique linguistique. Ronde d'applaudissements du public en studio. François, tu participes pas. Ah, voilà. Angélie vient de se réveiller, là. Mais elle a pas l'air de parler, pas tant que ça. Elle fait des mimes aujourd'hui. C'est il va être composé de mimes. On va pouvoir écouter sa musique de fond. Ça va être malade. Donc, Jasmine, c'est mercredi prochain à 7h30. Voilà. C'est à confirmer. C'est vrai, c'est ça, j'ai ce que j'ai dit. Il y a plein de choses encore c'est à confirmer. C'est ça. Moi, routine, mais ouais, on verra bien. On verra bien. On va savoir ça quand, mettons? Mais que j'aille parler avec ma boss. Ouais. Bon, hey, elle nous fait des mimes, là. Je comprends rien. Mais non, la semaine prochaine, c'est sûr que non. Mais pour les autres, on verra. Parfait. Alors, on va terminer l'heure ici. Question de pouvoir accueillir Anne-Julie tout à l'heure et avec ses mimes dans la deuxième heure de l'émission. Pour l'instant, on va écouter l'Info Campus et on va entendre, tiens, pour se quitter, une pièce d'Ariel Moffat. Oui. Que Jasmine nous a choisie. Oui. Elle s'intitule La pluie et le beau temps. C'est la numéro 6. On écoute ça tout de suite. Reste avec nous. La pluie et le beau temps, c'est pas banal. Pas banal. On n'en parle jamais trop. Non. Regarde comme il fait beau. Ressens comme il fait bon. Il traverse la fenêtre. Ciel jusqu'à ma tête. Ses effets collatéraux sur mon humeur et sur ma peau. J'en rêve. êtes assez fou pour l'écouter. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 14 mars 2012. François-Olivier Marchand. Mathieu Plante. Oui, toujours avec Jasmine Raymond-Drainville à ma gauche. Bonjour. Dans le coin gauche. Dans le coin gauche. Wow. Possédant un carré rouge. Et dans le coin en avant nord, aussi possédant un carré rouge. Anne-Julie Durocher, qu'on accueille à l'instant parce que c'est la merveilleuse chronique de Loge EQTR. Est-ce qu'on est prêt à chanter tous ensemble? La chronique de Loge EQTR? Loge EQTR. Loge EQTR. Ah oui. Loge EQTR, Loge EQTR, Loge EQTR. Peu importe ton âge, tu t'en vas à Loge EQTR parce que Loge EQTR, ça n'a pas d'âge. Yo, pro, pro. Yo. Salut, Anne-Julie. Salut. Bon matin. Bon matin. Oui, je peux commencer à parler maintenant. Ben oui. Là. Hein? T'as de l'air en pleine forme. Oui. Dis-moi ta voix. OK, cool. Pas ma face, pas en peur. Ça paraît qu'on a une assemblée générale aujourd'hui. Fatigué. Mais c'est donc, ça, extrêmement grosse journée pour vous autres. Oui, oui, oui. Fait que, ouais, vraiment fatigué aujourd'hui, mais c'est une grosse journée. On a bien hâte, donc c'est l'assemblée générale de grève, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant. C'est aujourd'hui à 18h30 au CAPS. Le CAPS, c'est le centre sportif. Puis, comme Jasmine l'a dit tantôt, n'oubliez pas votre carte étudiante parce que ça va vous la prendre afin de pouvoir rentrer et voter. Entrer si vous n'êtes jamais allé. Oui. Entrer si vous passez du dehors au dedans. C'est ça. Ben, ils vont passer du dehors au dedans. En effet. C'est ça. Fait qu'ils vont entrer. Entrer. Puis, c'est ça. Donc, ça prend votre carte étudiante. Ne l'oubliez pas. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez jamais fait, allez en chercher une aujourd'hui au centre multiservice. Oui, ça va aller vite, donc est-ce que vous avez vos petits lecteurs magnétiques que vous deviez avoir? Est-ce que ça va... On va avoir des petits lecteurs magnétiques de carte étudiante. Superbe, ça. Oui, oui, fait que, c'est ça. Puis, génial. Là, en fait, c'est là que ça va se décider s'il y a grève ou pas, ou si... qu'est-ce qui se passe, là? Ben oui, en fait, tout d'abord, c'est important de savoir que le conseil exécutif et le conseil d'administration n'amènent pas de propositions, en fait. Donc, on laisse vraiment la place aux étudiants de faire les propositions qu'ils veulent faire concernant la grève. Ça peut être, en fait, tout type de grève qui peut être proposée. Là, ça sera pas une seule proposition, en fait. Il risque d'en avoir plusieurs. Donc, je vous conseille vraiment d'attendre jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Les types de grèves qu'il peut avoir, c'est des grèves d'une journée, des grèves générales illimitées, des grèves tournantes, des grèves de... Tournantes, c'est quoi ça? C'est exemple, on a une grève le lundi, mercredi, exemple la semaine prochaine. Okay. L'autre semaine d'après, c'est le mardi, jeudi, okay. L'autre, ainsi de suite. Des grèves reconductibles, ça peut être chaque mardi, on vote. On vote, si on la continue. C'est en plein ça. Okay. Sinon, il peut y avoir... j'en cherche un autre. Ah, il peut y avoir une grève, admettons, si on atteint un certain plancher. Donc, c'est si, admettons, il y a 170 000 étudiants qui sont en grève générale limitée, l'UQTR tombe... Automatiquement en grève. C'est ça. Okay. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Il peut y avoir vraiment différents types de propositions qui sont amenées. Grève de la faim, peut-être. Ouais, mais... Ouais. C'est moins conseillé. C'est une idée. Pas très utile dans le contexte. Non, c'est ça. Je fais déjà pas mal la grève du sommeil. Il faut que je voudrais pas la grève de la fin. Fait que c'est ça. En fait, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin, en fait, parce qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises tout au long de l'Assemblée générale. Et des discussions aussi, là. Oui, pour les gens qui sont peut-être plus ou moins au courant, ben, c'est important quand même de se présenter. Ils vont pouvoir avoir le pouls peut-être des deux côtés, si on peut dire ça comme ça. C'est ça. C'est pas une proposition, en fait, qui est amenée, puis qu'ensuite, il y a vote. That's it, that's all. Ouais, non, c'est ça. Là, c'est sûr qu'il va y avoir des discussions. Puis, oui, les portes. Les portes ouvrent à 17h30. Ouais, c'est 17h30. 5h30. Oui, c'est ça. 17h30, ouverture des portes. Donc, puisqu'on attend beaucoup d'étudiants, je vous conseille d'arriver tôt. De bonne heure, là. Oui, c'est ça. Pour, parce que vous voulez commencer, c'est ça, à 18h30. Oui, le but, c'est de commencer à 18h30, sauf qu'on est quand même conscient qu'il y a du monde qui ont des cours à 18h30, donc on va... Et qu'il n'y a pas de levée de cours, il faut, le repréciser. Il y a des gens qui travaillent à l'extérieur aussi, parce que, en tout cas, de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes aussi qui veulent venir, donc qui sont en stage à l'extérieur, tu sais, qui travaillent à l'extérieur, puis qui veulent quand même venir... Ça, fait que... Donc, même si vous arrivez passé 18h30, vous allez pouvoir rentrer sans problème là, présentez-vous, en fait. Tous les étudiants doivent venir s'exprimer, exercer leur droit de vote parce que si vous ne le faites pas, mais c'est les autres personnes qui vont prendre les décisions à votre place. Fait que soyez... Ouais, vous pourrez pas chialer. Non, c'est ça. Fait que soyez présents. Parlant de grève études québécoises, donc la maîtrise, si on veut, en histoire, dans un certain sens, est en grève générale illimitée à compter d'aujourd'hui. Il avait fait un vote il y a quelques semaines. Donc, Les autres, là, sont en grève générale illimitée. Ouais. OK, et puis... C'est leur département. Okay. Ils se sont arrangés avec leur professeur pour la grève générale illimitée. Qui est reconductible. En fait, je pense qu'à chaque mardi, ils vont aller voter, savoir s'ils continuent une semaine de plus. OK. Puis aussi, ça va dépendre, en fait, de la décision qui est prise aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais, j'imagine. Si personne les suit, ils vont finir par lâcher. Mais il y a quelqu'un qui il y a pas quelqu'un, il y a un autre asso qui a aussi voté la grève. Oui. Oui. ITR, ingénierie. Oui. Ingénierie de Trois-Rivières a voté la grève pour une journée, le 22 mars, pour, en fait, d'avoir une participation massive à la manifestation qui va avoir lieu à Montréal cette journée-là. Donc, hier, se tenait leur assemblée générale. Lors de celle-ci, en fait, ils ont voté, ils se sont positionnés contre la hausse, la présente hausse des frais de scolarité. Et ils demandent aussi des états généraux en éducation, comme demande l'AGIP. Puis, ils ont une grève le 22 mars. Mais les assos, justement, ils ont le droit, c'est légitime de... Ben, en fait, la position de l'AGIP va comme surplanter les décisions des associations. Okay. Il y a aussi Philosophie qui vote cet après-midi aussi concernant la grève. Okay. C'est ce que je sais pour les associations départementales. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne marche pas par faculté ni par module à l'UQTR. Donc, on peut pas... l'association reconnue, c'est l'Association générale des étudiants, mais aussi, quand même, les associations départementales ont toute la légitimité de le faire. Là. D'accord. OK. Mais donc, exemple, une grève générale illimitée qui est votée ce soir... Ben, une association pourrait-tu se retourner pour dire « Bon, nous autres, en fait, on vend nos cours? » Non, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est reconnu auprès de l'administration de l'UQTR, c'est... Ça va être élargi. Oui, c'est ça. Donc, les professeurs doivent suivre et pas donner leurs cours. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, comme j'ai dit, Études québécoises, en fait, a pris une entente avec leurs professeurs. Même chose avec Ingénierie. UQTR, ils ont pris une entente aussi. En fait, qu'est-ce qu'ils ont voté, là? C'est une levée de cours. C'est pas le terme exact, là, okay. C'est la levée de cours et ils se sont entendus avec leur département aussi de leur côté. Fait que ça, c'est chose réalisable. D'accord. Okay. Puis, c'est ça. En fait, la grève. Pas la grève, là, la mais. La levée de cours? Non. L'Assemblée générale de grève a été demandée lors de la dernière Assemblée générale le 8 février afin, en fait, qu'on ait une participation massive à la manifestation du 22 mars à Montréal. Donc, même si, par exemple, la grève ne passe pas ce soir... Ça va avoir lieu quand même? Oui, l'AGE... Il y a quand même des autobus qui vont y aller. L'AGE a déjà le mandat de participer à cette manifestation-là. Déjà des listes d'autobus qui sont en train de se faire remplir afin de participer. Là, vous n'êtes pas obligé d'inscrire votre nom sur la liste, mais c'est préférable. En fait, nous, on réserve le nombre d'autobus qu'on a de besoin. Donc, si vous voulez prendre part à la manifestation, vous savez déjà, grève, pas grève, que vous voulez y aller, allez inscrire votre nom. Il y en a des feuilles au 2218 et au bureau de la GE au 1001B, Néré-Beauchemin. Peut-être le 2218, juste, il y en a, je pense qu'ils ne savent pas préciser que c'est proche de la bibliothèque, à côté de là où il y a souvent des... Ben, pas souvent des grillages, mais tu sais, quand on passe, il y a des grillages, c'est proche de la bibliothèque, là où il y a les photocopieurs, les... Devant la cafétéria. Ouais, c'est ça, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ben, côté Albert ici. Ouais, c'est ça. C'est en plein, ça. Donc, c'est ça qui concerne le mouvement étudiant. Sur un plus festif, si on veut, ce soir, au 10-12, il y a le party, on danse avec les loups. Après. Ah oui! Fait que, c'est ça. Fait que, Qu'est-ce qu'on met? On met nos chandails avec des faces de loup? Ouais. Ouais? Chandail face de loup. Chemise à carreaux. En fait, c'est thème cabane à sucre. Okay. Parce que là, le printemps arrive, on est content. Dans 6 jours. Ouais. Yeah. On se prépare, puis on fait un petit party de cabane à sucre au 10-12. On va aller magasiner son chandail au Village des Valeurs, ou encore, comme il l'appelle en anglais, Valou Village. Où on peut... Valou Village, loup. Valou, ouais. Est-ce qu'on peut se déguiser en loup? Aucune réaction. Tu peux te déguiser en loup, je vais trouver ça très, très drôle. Ou en érable, tu sais. Ou en érable aussi, je vais trouver ça drôle. Bref. Ça, tu trouves ça drôle, mais Valou Village, je trouve pas ça drôle. Non, c'est drôle. Ça, on est trop endormis pour comprendre les jeux de mots très subtils que tu nous fais. Oui, mon Dieu. Oui. Mais c'est ça. Oui. Fait que retournons plus sérieusement avec les élections de la GIE. Oui, hein? Parlons-en. Qui se déclenche quand, eux autres? Ben en fait, là, hier, 17h, c'était la fin des mises en candidature. Okay. Donc, tous ceux qui veulent participer aux élections ont commis leurs feuilles et leurs documents nécessaires. Puis, par la suite, donc, 19 mars, à la Chasse-Galerie, il y a le 5 à 7 des associations. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va connaître, en fait, tous les candidats. Il y a la présentation des candidats lors du 5 à 7 des associations de la Chasse-Galerie. Par la suite, le 26 mars, c'est le débat entre les candidats à la Chasse-Galerie. Si je ne me trompe pas, c'est rediffusé aussi sur C'est fou. Oui, exact, ça va l'être de 5 à 7. Là. Donc, encore cette année, ça va être sur C'est fou, le débat, qui est un moment très important, en fait, pour que vous puissiez venir poser vos questions aux candidats puis entendre, en fait, leurs réponses puis mieux les connaître. Donc, je vous encourage fortement à être là. J'imagine que vous allez en entendre parler. Puis ensuite, la période pour voter, c'est du 27 au 29 mars. Et le 30 mars, le dévoilement du prochain conseil exécutif de la GIE. Et le dévoilement, ça va se faire ici à la Chasse-Galerie? Oui, oui. Ça me plaît ça. Okay. J'ai pas l'heure, là. Okay. Mais en quelque part sur l'heure du midi, là, je pense. Oui, j'imagine, ça va dépendre du DGE, j'imagine, et de ses cours et de ses... Ça, les personnes vont prendre leur poste, quoi, début mai, j'imagine? À la fin de la session? À compter du 1er mai, ils rentrent en poste. Donc, c'est ça. Puis tout le mois d'avril, en fait, c'est la transition entre le conseil exécutif présentement en poste et le prochain. Puis on est rendu là. C'est la fin de l'année. C'est ça que ça veut dire? Ben oui, c'est ça. Ça approche déjà, vite. Ça passe vite cette année. Oui. Fait que c'est ce qui se passe à la GIE. Merci, Anne-Julie. On Merci se concentre Anne-Julie. Sur la G ce soir. Oh, oui, ce soir. Oui. Grosse journée. Ben oui. Après ça, tu vas pouvoir dormir. Ben oui. Puis on parlera la prochaine fois, à un moment donné, de ces élections-là. C'est fou, on va avoir l'occasion d'en parler sur place la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, je pense qu'on va recevoir des candidats d'ici. Là. Voilà. Parfait. Merveilleux. Anne-Julie Durocher de la GIEQTR, merci. Ben merci à vous. Merci, merci. À bientôt. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, 8h18. Tout à l'heure, on va parler avec des gens du colloque en histoire. Ici à l'émission, mais pour l'instant, on écoute Library Voices. Voici Traveler's Digest. glace est pris. Des pétards pleins les mains, avec l'expérience de de ta vie. Toutes ces heures pour un instant, mais juste une flamme pour voir toutes les couleurs fondre ensemble et disparaître. C'était Simon Kingsbury avec la pièce Feu d'artifice à Assemblage requis en ce mercredi matin du 14 mars avec François-Olivier Mathieu Plante. Oui, on reçoit présentement Catherine et Geneviève, deux étudiantes du bac en histoire, donc qui viennent nous parler du colloque qui va se dérouler prochainement. En fait, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, donc en fait, c'est ça, vous avez organisé un colloque. C'est quoi ce colloque-là? Ben, c'est vendredi prochain, le 23 mars. C'est okay. Une journée de conférence okay. Sur les contes et légendes. OK. Donc, le vendredi 23 mars. Et puis, c'est ça, le contes et légendes. Bah, ça inclut quoi? C'est quoi? Est-ce que je peux me présenter là, moi, puis je vous raconter une histoire? Comment ça fonctionne? Ben, dans le fond, on a quatre conférenciers qui sont des professionnels. OK. On a une professeure du département en histoire, Maryse Bachand, qui est spécialiste en histoire des États-Unis. OK. On a Jenny Brun, qui est une chargée de cours, qui est spécialiste en histoire médiévale. OK. On a René Beaudoin, qui est professeur au Collège La Flèche. Et puis, on a Michel Deschênes, qui anime ici. Oui, Michel Deschênes, d'ailleurs. Oui, le dimanche après-midi, les oreilles pour écouter. Oui, à partir de 17h. Oui, et puis aussi, on a deux étudiants du baccalauréat en histoire qui vont présenter des conférences. OK. Et puis, les conférences, c'est ça, vont toucher, j'imagine, en fait, les contes. Et... Oui, avec un lien avec l'histoire populaire et la culture aussi. OK. On va savoir si c'est vrai, s'il y a vraiment des contes et légendes qui sont arrivés pour vrai. Et puis, ça, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que monsieur, madame, tout le monde peuvent se présenter là, aller écouter les conférences? Oui, c'est ça. On invite tout le monde à venir se présenter. Ça va être une très belle journée, vraiment très intéressante. OK, formidable. C'est gratuit, on mange ensemble, on écoute des conférences intéressantes. Ah, il y a du lunch en plus. Ouais. Ben, tabarouette. Ça, vous allez voir. Ouais, vous allez voir Mathieu Plante, c'est certain. Et puis, ça se déroule où exactement? C'est au CIPP. Centre intégré de porte-papier, c'est ça? Oui, au 1102. C'est juste en rentrant. OK. En rentrant, en fait, on va vous voir. Là. On se perd pas. Là. Exactement. Et ça commence à quelle heure? Ça commence à 10h le matin. OK. Puis on termine ça vers 6h. 6-7 heures. Okay. Ça finit par un petit 5 à 7, là, ouais. Genre, mais qui finit pas à 7, mettons, mais juste 5 ça. À 7. Oui, c'est ça. On peut avoir plus d'informations, en savoir un petit peu plus sur la page Facebook qui est Raconte-moi une histoire. Oui. C'est le nom de l'événement. Mm-hmm. Raconte-moi une histoire, le colloque en histoire 2012. Oui, exactement. Le nom pas mal complet de ça. Donc, on rappelle que c'est vendredi le 23 mars. Et puis, c'était Geneviève et Catherine qui nous en ont parlé. On vous remercie beaucoup. Merci. Très gentil. Oui. Autre chose à rajouter sur le sur l'événement? Vos commanditaires, peut-être? Oui, est-ce que les commanditaires? Ben, on a le Zone Campus. On a le Merveilleux Journal. Oui. Ben oui. On a le CIEC, le Centre d'études québécoises. OK. On a le Service aux étudiants. OK. Et la GE. La GE. OK. C'est très cool. Donc, en fait, si on veut voir, c'est, ça va se dérouler le vendredi, le 23 mars, au CIPP, à partir de 10h. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée. De toujours Assemblage Requis, on s'écoute un petit peu de Salomé Leclerc, pourquoi pas. Voici Tourne encore. Sur ces fous, dans vos oreilles. J'aurai les yeux des marées bleues. Et le visage du temps pluvieux, j'aurai le cœur sur un nuage, passerai ma vie en décalage, j'aurai la tête sur l'oreiller, à peine posé les plumes aux pieds, j'abandonnerai mon âme d'avant et chercherai celle au présent. Il faudra regarder plus loin. Un avenir prisonnier en vain, marquer son nom au bas des pages, laisser des traces au passage. Mais si le ciel sur nous s'écroule, qu'on prenne les marches ou qu'on déboule, j'arriverai toujours à tenir tête, même si j'en ai l'air bête. Tourne encore. Sur de mes pas, je prends le large, les idées un peu moins sages. Je marcherai sans peine sur les eaux, mettrai la nuit au tombeau. Que je sois seule, que je sois folle, que je ris bien ou que je grogne, il y aura toujours sur ma peau blanche mes détours et absences. Au retour, la chronique C'est un fait à Assemblage Requis. Restez donc là. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage Requis. Formation Wood Pigeon avec la pièce For Paolo à Assemblage Requis. J'aime bien cette pièce-là. Une des très bonnes pièces, en effet. Donc, à Assemblage Requis, maintenant, c'est le moment de parler de choses utiles à savoir dans la vie, tu sais, de tous les jours. Et qui sont arrivées. Ouais, comment on pourrait appeler ça, maintenant? C'est un fait. C'est OK. C'est C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et on commence avec une première dame, la femme d'un président, Lady, la First Lady, oui, la première dame, la femme du président, Bess Truman, qui envoyait ses vêtements à Kansas City pour les faire laver parce qu'elle avait eu de mauvaises expériences dans des lavoirs, comment on appelle ça, des affaires de laveuse là, aux États-Unis. Ouais. Lavoirs, en tout cas, des buanderies à Washington. Mauvaise expérience, ouais. Elle a dit, ben maintenant, je vais envoyer mes vêtements à Kansas City pour les faire laver. C'est bien. C'est ça quand t'as de l'argent. La mode des Super Bowls, tu sais, dans le temps, les Super Bowls, les balles rebondissantes. Là. Ouais. Boing, boing. Ouais, ouais, ouais. Au sommet de la mode des Super Bowls, dans les années 1960, la compagnie Wamo en fabriquait 170 000 par jour des balles rebondissantes, ouais. Tellement c'était populaire. C'est fait un quoi, ça? Je sais pas, hein. Une sorte de caoutchouc plastique, je sais pas. Aucune idée. Tiens, un acteur qui s'appelle John Cazale, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce, mais je suis pas certain, est mort le 12 mars 1978. Chaque film qu'il a fait a été nominé pour meilleur film aux Oscars. Chaque film de sa carrière, John Cazale. En 1965, le Sénat américain a prédit que les travailleurs, donc les gens qui travaillent, n'allaient travailler seulement que 20 heures par semaine d'ici à l'année 2000. Donc ça, c'était en 1965. Il prédisait que d'ici à l'année 2000, on allait travailler 20 heures par semaine. Prédiction qui était basée sur la révolution des ordinateurs. À l'époque, on disait que les ordinateurs auraient tellement de succès en 2000 que ça allait enlever toute la productivité. Voyons, productivité. Ça allait améliorer la productivité des gens et qu'ils allaient donc travailler moins. Mais ça n'a pas été ça du tout. Du tout, exactement. Il prédisait aussi que les Américains prendraient 7 semaines ou plus de vacances par année. Pas tellement le cas, ouais. Hein? Non. Il y en a qui font ça. Ah, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Donc, non seulement, comme on disait tout à l'heure, qu'on a augmenté le nombre d'heures, on est passé de 500 à 700 heures par... c'est quoi, c'est par année, ça? Non? 500 à 700 heures? Depuis les années 70, donc on travaille 500 heures et on travaille 700 heures. Je sais pas, c'est peut-être... Okay. C'est quoi, c'est par mois, ça? Tellement mauvais en maths. Que... Ben, mettons 40 heures semaine, 4 fois 4, ça veut dire 160 par mois, à peu près. 4 semaines dans un mois, ça veut dire 160, ça fait quoi, peut-être 5 mois? 5. Ben, je calcule du fall, ça va. Je sais pas, ça n'a pas rapport, ça. Non, ça n'a pas rapport. En tout cas, c'est ça. Donc, les prédictions qui ont eu vraiment tort, c'est ce que ça veut dire. Wow. Une paire de jumeaux identiques qui se sont sortis d'un méchant pétrin lors d'un vol de bijoux. D'accord? Parce qu'on ne pouvait pas déterminer l'ADN appartenait à quel des deux jumeaux. On appelle ça le crime parfait. Ça s'est passé en mars 2009. Une paire de jumeaux identiques qui... en tout cas, il y en a un des deux qui avait volé des bijoux. Et puis, il y avait de l'ADN qui avait été retrouvé, mais on ne pouvait pas déterminer de quel jumeau... Ah oh, ouais. L'ADN, avec l'ADN, même l'ADN était pareil. Dans ma tête, c'était pareil, mais sûrement qu'il y avait juste des bouts d'ADN, puis que donc les bouts se ressemblaient trop, je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Donc la police n'a pas réussi à présenter ce cas-là devant la cour et déterminer le perdant, si on veut. Donc, les autres, ils savent trop. Ben, les autres, ils savent c'est qui. Ouais. Mais moi, c'est ça, dans d'autres pays, peut-être où t'es présumé coupable, jusqu'à preuve du contraire, peut-être qu'ils auraient mis les deux en prison, tu sais, je sais pas. Je sais pas le système de la justice, comment il fonctionne pour ça. Parlant d'ADN, savais-tu que si t'étires ton ADN, l'ADN à l'intérieur d'un corps humain, d'accord, tu te rendrais au soleil et tu pourrais revenir 4 fois, donc 4 fois aller-retour avec l'ADN qui est les petits tortillons là, dans les nucléus du corps. Je connais rien à rien, moi, là, aujourd'hui. Donc, on dit que nos corps ont environ 10 trillions de cellules qui contiennent chacune de l'ADN. Donc, si on étirait l'ADN, ça mesurait 744 millions de milles. C'est-à-dire qu'on pourrait aller au soleil et revenir 4 fois. La Lune qui est à 250 000 milles d'ici, donc l'ADN pourrait y aller 1500 fois dans le corps d'une seule personne. Eh boy. Savais-tu que la première pâte à dents de Colgate se vendait dans des petits pots? Des petits pots en vitre? Des petits pots en vitre. Oh. Donc en 1806, William Colgate a démarré une compagnie, une usine de chandelles, de savon et un paquet d'autres choses à New York. L'entreprise qui avait beaucoup de succès jusqu'à temps que William ait une attaque au cœur et donc a pris sa retraite de son emploi. Son fils Samuel Colgate a pris sa place, a révolutionné le monde de la manufacture. Il a commencé à faire du parfum et de la pâte à dents à la place. En 1873, la firme a présenté sa première pâte à dents en pot. Et même si ça a l'air bizarre de nos jours, dans ce temps-là, c'était tout à fait normal. Et en fait, c'est la compagnie Colgate qui a changé les choses et qui a mis ça dans des tubes. Dans des tubes? Ouais. Et en 1908, c'était la première compagnie à vendre de la pâte à dents en tube. Eh bien... Eh bien, ça, c'était en 1908. Donc, c'est-à-dire 100 ans, 102 ans après le démarrage de la compagnie Colgate. Le 16 septembre est la date la plus populaire pour les anniversaires, les naissances aux États-Unis. Oui. Donc, on dit qu'aux États-Unis, les fêtes sont pas mal distribuées de part égale, équitablement à travers l'année. Mais pour une certaine raison, le 16 septembre, c'est là qu'il y a le plus de gens qui sont nés. Pourquoi? On dit qu'il y a plus de naissances en septembre et en octobre, évidemment à cause de la période des fêtes de l'année d'avant, bien en fond, de l'année en cours, si on veut, bref. Neuf mois avant, c'est ce que ça veut dire. C'est aussi les plus longues soirées de l'année. Je sais pas, j'imagine en termes de lumière à l'extérieur, là, c'est les plus longues nuits de l'année de l'hémisphère nord. Et puis, c'est ça. Donc, c'est basé sur une recherche de Harvard. Et ils disent que le 25 décembre est la date la moins populaire pour les fêtes. Oh! 25 décembre. C'est le petit Jésus. Le petit Jésus. Le vrai nom de Oprah n'est pas Oprah. Non. Née en 1954, Oprah, qui est sûrement l'animatrice de talk show la plus connue du monde, elle est née sous le nom de Orpah, O-R-P-A-H. Elle a été nommée par sa tante. Et puis, Oprah a changé de nom elle-même. Elle a décidé que Oprah, c'était plus facile à prononcer que Orpah. C'est la même chose, mais bon. D'autres noms de vedettes qu'on nous donne dans l'article, Akon, son vrai nom, c'est Aleone Damala Buga Time Peru Naka Lou Badara Akontiam. Voilà. Ça, c'est ses parents qui l'ont nommé, des parents qui viennent du Sénégal. Ralph Lauren, son vrai nom, c'est Ralph Lifshitz. Lifshitz? Ouais. Woody Allen, c'est Alan Stewart Konigsberg, pardon. Et Joan Crawford, son vrai nom, c'est Lucille Fay Le Sourd. C'est chic quand même. Très bien. Lorsqu'on dit désert du Sahara, est-ce que tu savais qu'on dit vraiment désert, désert? Non. C'est vrai. Le nom Sahara vient de l'arabe. Ça se traduit... c'est désert, finalement. Non. Quand on dit Sahara, le désert du Sahara, c'est ça. C'est désert, désert. Le Sahara, qui est le plus gros désert du monde, à 9 400 000 km², ça couvre la plupart ou presque l'entièreté de l'Afrique du Nord. Et c'est presque aussi gros que les États-Unis. Voilà. Ça va de la mer Rouge à l'océan Atlantique et ça inclut des parties du Méditerranée. Voilà. Le désert était beaucoup plus humide dans le temps par rapport à aujourd'hui. Par contre, c'est les changements climatiques qui ont drastiquement, dans le fond, élargi ou en tout cas agrandi le désert. Okay. Tom Hanks est une personne très généreuse, savais-tu ça? Non. Il a acheté une machine à espresso pour la Maison-Blanche, pour la place où ils font les conférences de presse à la Maison-Blanche. Pour vrai? En 2004, Tom Hanks a fait le tour de la Maison-Blanche et a remarqué qu'il n'y avait pas de machine à café dans ce qu'on appelle le press corps. Donc, Hanks en a acheté une en 2004. En 2010, il est repassé à la Maison-Blanche, encore une fois, mais avec Steven Spielberg. Et là, il a remarqué que la machine était sur le bord de mourir. Sa machine était dans ses derniers jours. Donc, il leur a acheté une nouvelle machine à café, à espresso. Il disait, d'ailleurs, Spielberg a fait la blague qu'il était venu juste pour voir la célèbre machine à café. Ouais. Hanks disait que c'est pas parce qu'ils sont journalistes qu'ils sont obligés et qu'ils dorment pas, qu'ils sont pas obligés d'être en forme pour faire leur conférence de presse. Donc, c'est un simple cadeau de la part de Tom Hanks. Il a l'air gentil, lui, je trouve. Tout à fait. Un des très bons. En talk show, c'est un des gars les plus divertissants, je trouve. J'aime beaucoup. Parlant de films, parce que Tom Hanks est un acteur, hein, Twister était le premier film à être sorti sur DVD et le dernier à être sorti sur HD DVD. Okay. Donc, longue carrière pour ce film-là. Le premier film hollywoodien qui a été mis sur DVD. On dit que c'est ça. Ben, c'était aussi le dernier film sur HD DVD, qui était un format qui voulait faire compétition au Blu-ray, mais qui finalement a été un échec. D'autres faits par rapport à Twister, le film a été le deuxième film qui a fait le plus d'argent en 1996. On rappelle que c'est un film qui se passe dans l'Oklahoma. C'est un groupe de gens qui chassent des tornades. Le film a d'ailleurs inspiré un manège qui s'appelle Twister Ride It Out à Universal Studios en Floride. Je me disais, t'sais, il me semble Floride ou en tout cas cette partie-là des États-Unis, c'est peut-être pas le genre de place où faire un manège avec les tornades. T'sais, les tornades, il y en a beaucoup aux États-Unis. Ouais. C'est touché un petit peu, mais apparemment, ça fonctionne bien. Ouais, la majorité du film a été filmé en Iowa et en Oklahoma. Et on dit que c'est le son d'un chameau, le cri d'un chameau qui a été ralenti et qui a été utilisé comme le son d'une tornade dans le film. Intéressant. Il y a aussi un jet engine de Boeing 707 qui a été utilisé pour générer le vent dans certaines scènes du film. J'imagine qu'ils ont pris de l'avion, qu'ils lui ont fait faire du vent, puis ça avait l'air plus réaliste. Ouais, j'imagine. N'importe quel autre ventilateur, là. À la première course automobile, la voiture gagnante allait à quelle vitesse, tu crois? La première course de voiture. Et c'est pas 20 km/h. Même pas. Non? 7000 à l'heure. 7000 à l'heure? Oui. Première course de voiture à Chicago en 1895 qui a été commanditée par un journal. Et puis, 6 voitures ont pris part à cette course-là. Et c'est Charles Duryea qui a gagné. La première voiture avait été présentée 2 ans avant la première course. Dans le fond, donc en 1893, si on veut. La course est, avait lieu pour promouvoir les automobiles et les ventes de journaux à cette époque-là. Le gagnant recevait 5 000 $, ce qui est équivalent à environ 139 000 $ en argent d'aujourd'hui. 83 voitures s'étaient inscrites pour la course, mais seulement 6 se sont présentées. Il y en a qui n'ont pas pu se rendre et donc qui n'étaient pas prêts à t'attendre. Tristan, ça, il y a eu plus de 7 heures de course à 7 000 $ et c'est, comme on disait, Durya qui a gagné. Ouais. Eh boy. 7 000 $ pendant 7 heures, ça veut dire... Hey, c'est pas rapide, là. Pas rapide. Sais-tu que l'éclair peut tuer... tue environ 58 personnes par année. 50? L'éclair, 58 personnes 58? Par année. Oui. C'est énorme. Et, exactement. Et ces personnes-là, c'est souvent des personnes qui sont prises à l'extérieur... par mégarde. Par contre, les éclairs ont déjà tué... est-ce qu'on dit tonnerre ou éclair? Je me mets tout le temps lightning, c'est quoi? Le lightning? Éclair. Éclair, d'accord. Donc, le lightning a aussi blessé le lightning. L'éclair a aussi blessé des gens qui étaient à l'intérieur. Donc, ça frappe le sol près des maisons et ça passe par les tuyaux du bain, du lavabo, etc. Donc, non seulement est-ce que les tuyaux de métal sont de très, très bons conducteurs d'électricité, mais aussi, on dit qu'il y a des gens qui étaient proches des fenêtres qui sont fait frapper par l'éclair et aussi des gens qui parlaient au téléphone branchés dans le mur des téléphones. Oui. Je sais pas si ça s'applique aussi au téléphone pas cellulaire, mais tu sais, sans fil dans une maison. Je pense. Je sais pas. J'ai aucune idée. J'imagine qu'il faut être connecté au fil dans ce cas-ci. J'imagine aussi. Mais 58 personnes par année, faites attention à ces affaires-là. Ouais, mais tu peux pas faire plus attention, tu sais. Non, mais tu sais, pas prendre de l'eau quand il y a des éclairs, je trouve que c'est une bonne idée. Éteins ta télé, tes affaires électriques, il me semble juste la base. Fais pas exprès, ça. Non. C'est ce que je me dis, je fais pas exprès. D'où vient la phrase « échec et maths », François? Je sais pas. Ça vient d'une phrase perse qui est « chat mat », qui veut dire « le roi est vaincu ». Ah! Donc, un échec et mat, c'est quand le roi est capturé dans le jeu des échecs. On dit que les échecs viendraient de l'Inde pendant l'Empire Gupta et sa popularité a grandi dans le monde islamique, particulièrement en Iran. C'était amené en Europe à la fin du 9e siècle et ça a changé pour devenir ce qu'on reconnaît maintenant comme étant les échecs modernes. Donc, il y a eu d'autres versions de ça avant. Le terme « chess » en anglais vient du mot français « échec ». Qui vient de l'échiquier, donc dans le fond, le modèle, le quadrillé, le noir et blanc, le terme échiquier. Voilà. C'est super, hein? Ouais, c'est bien. Super. Et puis, finalement, est-ce que je... C'est tout. C'est tout pour cet effet. Je trouve que je me mêle assez aujourd'hui dans mes termes, dans mes mots. Pas la meilleure. Bon. Donc, c'est un fait pour aujourd'hui, en ce mercredi matin. François, qu'est-ce que t'en dis si on retourne en musique pour les dernières minutes qui nous restent? Allons-y. Hey, Kim, ça a l'air de bien. Ça a l'air de mieux aller que moi. Moi, je m'enferme dans mes mots, toi, tu t'étouffes. On fait un duo de l'enfer ce matin, François. Bonne journée. On écoute Highlands, voici Hallways au 89.fm. Cet assemblage requis pour encore une petite dizaine de minutes. Hein? À peine. Tout petit. Roumi Paul. J'ai fait faire ton roi matin, on est correct. Ouais, ça va mieux. Non. it's all okay. La formation Modest Mouse avec la pièce Float On. J'adore ça. Oh oui, show. J'adore ça. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui, François-Olivier. Déjà. Ben oui, on va se retrouver demain avec Simon Fitzbé, sa chronique Phénomène. On a aussi, on n'a pas François Landry demain. Non, on n'a pas François Landry. On reçoit Hugo Meilleur de Couture, président de l'OGE Équateur, qui va nous, nous faire un compte-rendu de ce qui se passe ce soir à l'Assemblée Générale Spéciale à 18h30 au CAPS. Donc, soit que vous y allez. Et puis, vous votez, hein, comme tout bon étudiant devrait faire. Je crois que c'est la seule option, finalement. Là, c'est ça, exactement. Ouais. Et puis, écoute, nous autres, on informe la population demain matin. Et voilà! Donc ça, c'est aux alentours de 8h30. Et on reçoit aussi Gabriel qui va nous faire une petite chronique sur de la musique qu'il aime. Ça, c'est notre stagiaire qu'on a rencontré un petit peu plus tôt cette semaine. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, donc c'était à l'émission demain dès 7h. Restez sur nos ondes, restez à l'écoute pour l'émission SPM de gars à 10h. C'est le talk show sur les sports, la politique et les médias. À 11h, c'est le dîner de con avec Denis Janvier. À 13h, la rediffusion de Catalepsie avec Simon Fitzbé. À 16h, c'est la spirale avec Mathieu Leblanc-Houle. À 17h, 6 degrés avec Kim Bergeron. En soirée, c'est d'électronique, le lobby à 19h, PsyTR à 21h et Transformer à 22h. Allez voir le site.ca pour la programmation complète et sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On remercie les deux filles qui sont passées nous voir, c'est-à-dire Geneviève Pagé et Catherine Rochefort-Gautier, qui nous ont parlé du colloque Raconte-moi une histoire qui a lieu vendredi le 23 mars. Exactement. On remercie aussi Jasmine Raymond-Neville, Anne-Julie Durocher et vous d'avoir été à l'écoute. Merci François-Olivier. Merci Mathieu Plante. On se quitte sur une pièce de qui donc? Est-ce qu'on avait prévu? Oh non, on avait prévu. Hey, c'est super professionnel. On écoute du Judge Serge. Ça te tente-tu? Oui, hey, ça me tente. Hey, François, avant de se quitter, oui. Est-ce que tu as envie de faire quelque chose de cool? Allons-y. Parce que je pense que ce serait un bon moment, comme ça, à la fin de l'émission, pour parler d'un événement qui a lieu samedi le 17 mars. Oui, exactement. C'est le grand happening qui va se dérouler à l'église Sainte-Cécile. Et puis, on a deux billets à faire tirer. Ici, à la personne numéro 3 qui nous appelle au 819-376-5183, 819-376-5183, on vous donne deux billets. Il va y avoir la prestation d'ailleurs de Bio Bazar. Oui, d'Ali Janvier. Oui. Et plusieurs artistes d'ailleurs de la scène. On parle d'ici de des artistes là, des articles de cirque. Ouais, de cirque, exactement. Ça te remplit de belles choses, ça, c'est sûr. Tout à fait. Donc, 819-376-5183, on se quitte avec Duchess 16, voici Narcisse. Et puis, ben là, c'est vrai, on se dit bonne journée. Ah, bye bye. Bye bye. Ciao.